Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop aujourd'hui, l'ultime saison de Lost. Un avion s'écrase sur une île tropicale. Au milieu des débris de l'appareil, un groupe de rescapés tente de s'organiser. Ces 48 personnes ignorent tous les uns des autres, de la raison pour laquelle l'avion s'est crashé, où ils se trouvent et surtout si quelqu'un peut les trouver. En coffret Blu-ray et DVD, l'ultime saison de Lost. Et si je vous disais que je suis en mesure de répondre à la plus grande de toutes les questions? Et c'est quoi ta question? Pourquoi êtes-vous sur cette île? L'événement planétaire, comme vous ne l'avez jamais vu. L'incroyable aventure à son apogée. Tuez-les! Avec des scènes supplémentaires inédites et de nombreux bonus. Bientôt en coffret Blu-ray et DVD. C'est votre dernière chance de vous racheter. Découvrez les réponses. Vous êtes quoi? Que voulez-vous? Pourquoi vous faites ça? À toutes vos questions. Ce serait trop bête. Rebrousser chemin quand on est si près du but. Leur destin. Sois prudente. Lequel compte pour toi, Kate? Cherche pas à me retrouver. Vous sera enfin révélé. Peu de gens se voient offrir une seconde chance. Êtes-vous prêt à rentrer chez vous? Hé, une minute! Vous avez vu? Tu t'es couru! Lost, l'ultime saison 6, un DVD Disney.